kao koko kurobu pesa bisongo ya to bare bazeme zeme na bantu sa esprit to renye lokola yo na likolo biso ba ya fena se amen amen. Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes mannequins, vous êtes mannequin, ils sont mannequins. Babuka kiligale ya kaluji na ya koma. Papla il fallait na tele manango nandule wana mila mirapale master batindi kaye petita bendana uta azwa lupemba azwa kiboba bachache ba miyake ba yama moto influence a coup d'ailleurs. Elle n'a pas mal à pas platron, baï fourme, moto ba mouela, kaba mambila mila, waka foa, nandenga kolote, moulolo ngonda, dépasse kondinga, les gentlemen. Petit alopinanga, na ebi mauvais matin. Nana Lelie, El Dolce Vito, Irare Romano Mest, Likambo Bakoti Sakiye, Mpo Alandela, Nasi Mama Watro, Mwana Koutwebi Makie, Carte sur table, Ko négocier, Shobize Simba Monde, Vivra Vera. Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes mannequins, vous êtes mannequin, ils sont mannequins. Qui est pas loup quoi que baby sakamoto ya ya pona loco trop tolo baki moto aye bate a wele mpifo c'est pona Ferrari na caviar contre signaki pona liwa. Na bana Firenze, kozala toujours na top. Pona koma, likambo ezala kinzoka pona miso ya betie. Mwana komora, likambo ezala kinzoka pona tayo ya maroza. Mère Franchienne, nandenge nango, wolo ebonga na kingo, mère abonga na pere. Ma kibiso na mboka ni pone Ronta o pambapa Yeko ma kibiso na mboka nazie Porsche benzo lambula Kinshasa ba cheye ba romen Nikili ba zulu ba nyunjake Kao koko korobo Teki sa pelilika Les ondi font doublé ma be Kamozo na kingwe bende.